ça. Ok. Depuis la cité de Dieu, ils se croient tous dans une favela mesquine. Depuis le rap, ils rêvent d'être nègres, on tèche les bombers de ski. Un peu de coq, ils se prennent pour des coqs, ils ont tous fait une crête. Ils sont forts que sur leur t-shirt, les couilles plates comme une crêpe. Moi, depuis que j'ai touché le fera, je m'accroche à lui, plus qu'un hobby. Tout comme les biatchs qui s'accrochent à ma grosse bite. Venu faire la hagra, c'est pas bien mais c'est pas grave. C'est la vie, ouais, ne me dites pas que ça fouf n'est pas crade. Nous, on s'en bat les couilles des 50 cents. Des petites filles ou tout petit sein, lui fait le 17. Mon mic c'est papa, donc arrêtez le rap, écoutez-en. Vous trouverez votre meilleur flow en vous taisant. Toujours la page, toujours dans la place, toujours dans l'espace. Des meufs toujours à la patte, négro toujours à la page. Depuis qu'on se fait entendre, ils ont encore plus peur du noir. Ici c'est Jean-Claude Bonaldi, le tueur chinois. Okay. Mat, Pokora, tous les bouffons se font des tatouages. Wesh, clip de gangster et des fous à poil. Depuis MTV, elles veulent sortir avec des grands blagues. S'il vous plaît, arrêtez un peu la drogue et les grands plats. Depuis Mat, Pokora, tous les bouffons se font des tatouages. Wesh, clip de gangster et des fous à poil. Depuis MTV, elles veulent sortir avec des grands. S'il vous plaît, arrêtez un peu la drogue et les cramplats. Je suis pas épequeno, je crèverai pas comme un idiot. La voix du feu et le flow de la nuit, c'est pas comme un négro. Depuis peu, ils se disent que le rap s'est endormi. Mais j'arrive comme un milliard de nègres qui s'évitent à ton annie. Depuis nos premières phases, on kiffe le son corps hardcore. Comme Mirko et Vanderlei au corps hardcore. Depuis, ça fait bien beaucoup de crétins se convertissent. Être musulman n'est pas une mode comme tes converses. Depuis qu'on paiera les fils des kids, des en veulent à leur père. Et leurs filles nous font les yeux doux en tendant leur père. De fesses et de menottes pour jouer à la gendarme et aux rappeurs. Eux veulent qu'ils soient de force, mais sexuels sont les rapports. C'est le remix du juge est une femme, version sexy. Mais c'est même pas porno pour nous seuls, époque of sexy. Venu mettre les barres sur les T et les points de suture. Depuis l'époque c'est trop lourd, de sauter c'est ton tour. Depuis Mat, Pokora, tous les bouffons se font des tatouages. Wesh, clip de gangster et des fous à poil. Depuis MTV, elles veulent sortir avec des grands blagues. S'il vous plaît, arrêtez un peu la drogue et les grands plats. Depuis Mat, Pokora, tous les bouffons se font des tatouages. Wesh, clip de gangster et des fous à poil. Depuis MTV, elles veulent sortir avec des grands blagues. S'il vous plaît, arrêtez un peu la drogue et les grands blagues. Les Kara qui défilent, puis défilent, y'a qu'on s'enfile, qui se défie. À l'écoute de la chaîne, Ify se demande ce type, c'est qui. Un gentil garçon qui donne sa salle, dans son side. Ou bien un bad boy qui la joue cool, mais c'est sale style. Depuis Lil Jon, ils ont le mode de vie au self, man. Mais parle anglais niveau 6ème, mec, dis-moi où ça te mène. Depuis la fashionerie, je vois des meufs avec des coupes de pète. Et des pèdes avec des sables de meufs qui se roulent des pelles. Ça m'inspire des coups de pelle. Ah non, pardon, j'ai rien dit. Car depuis leur loi, pour ces paroles, je risque une lourde peine. On sera toujours mis dans le même sac, même une fois centenaire. Du coup, même certains de mes potes français blancs se sentent nègres. Et ça depuis Jean-Marie le chien, maigre et Nicolas S. Leurs lyrics plus hard que les nôtres nous ont mis trop la haine. La naissance destinée à être le king comme Luther. Allez donc dire au roi qu'il est l'ex comme Luthor. Depuis Mat, Pokora, tous les bouffons se font des tatouages. Wesh, clip de gangster et des fous à poil. Depuis MTV, elles veulent sortir avec des grands blagues. S'il vous plaît, arrêtez un peu la drogue et les grands plats. Depuis Mat, Pokora, tous les bouffons se font des tatouages. Wesh, clip de gangster et des fous à poil. Depuis MTV, elles veulent sortir avec des grands blagues. S'il vous plaît, arrêtez un peu la drogue et les grands plats. Depuis Mat, Pokora, tous les bouffons se font des tatouages. Wesh, clip de gangster et des fous à poil. Depuis MTV, elles veulent sortir avec des grands blagues. S'il vous plaît, arrêtez un peu la drogue et les grands plats. Depuis Mat, Pokora, tous les bouffons se font des tatouages. Wesh, clip de gangster et des fous à poil. Depuis MTV, elles veulent sortir avec des grands blagues. S'il vous plaît, arrêtez un peu la drogue et les grands plats. Les grands plats. Ok, c'est qui ça? La partie sombre d'un homme noir. T'es déjà mort derrière la machine. Si tu me doubles, je te triple. Monsieur KR, 2050.